lecture de DJ Rebelle pour audiocité.net, conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Renneville, l'introduction. Monsieur et Madame Belmont avaient une petite fille de 5 ans appelée Mimi. Elle était blanche comme du lait et douce comme un petit agneau. Mimi ne désobéissait jamais à sa maman. Pour ne point faire de bruit, elle prenait sa poupée, s'asseyait dans un coin de la chambre et causait avec elle. Mimi faisait la maman. Zozo, c'est ainsi qu'elle nommait sa poupée, était sa fille. La petite maman répondait pour Zozo comme on peut le croire. Si la poupée répondait bien, elle était récompensée. Si elle répondait mal, elle était punie. Dans ses conversations, Mimi répétait exactement tout ce que lui disait sa mère, qui s'en amusait et prenait quelquefois part à ce léger badinage sans que Mimi en fût plus déconcertée. Mimi prenait aussi un grand plaisir à faire la petite maîtresse. Zozo était examinée le matin après dîner, quand Madame Belmont rentrait en revenant de la promenade, et le soir avant de se coucher.